Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. VG du mais c'est qui c'est go. Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. De Vengri, mais c'est qui c'est go. Je vois tous ces raclos, ouais, qui font les macros, ouais. Je viens pour le mago, ouais, comme sur un braco, ouais. T'as du monde sur les côtes, ouais. Et je m'en bats les reins, ouais, je les taque, y'aura pas faute, ouais. Et je m'en lave les mains, ouais. Je connais pas ton fond, ouais. Mais je connais tes formes, ouais. Ce que je ressens, c'est profond, ouais. T'es pas dans les normes, ouais. Je sais ce que tu vaux, ouais. Je sais ce qu'il te faut, ouais. Il faut tous les vrais, ouais. Je te dis tout est faux, ouais. À moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. VG d'une, mais c'est qui c'est go. Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. De Vengri, mais c'est qui c'est go. C'est qui c'est go, c'est qui c'est go. Elle est en forme, mais c'est qui c'est go. C'est qui c'est go, c'est qui c'est go. Elle est en forme, mais c'est qui c'est go. 911, appelle la police. Je voudrais la caresser tellement elle a la police. Je suis ton super-héros, t'as capté mon vice. Mais je suis inséré si je manque de mes pénis. Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour quoi? Tu penses que je voudrais juste passer la nuit avec toi? Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour quoi? Laisse-moi le temps et le tout puissant nous unira. Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. VG d'une, mais c'est qui c'est go. Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. De Vengri, mais c'est qui c'est go. C'est qui c'est go, c'est qui c'est go. Elle est en forme, mais c'est qui c'est go. C'est qui c'est go, c'est qui c'est go. Elle est en forme, mais c'est qui c'est go. Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux ou trois blagues, je vais la stéco. De Vengri, mais c'est qui c'est go. Elle est à moi, j'ai mis mon veto. Pour me tacler, faudra se lever tôt. Deux, trois blagues, je vais la stéco. VG, tu me mets, c'est qui c'est go.